coup de chlasse. Cramé à 10 000 quand on déboule dans la place. Et puis à la steak et à l'esquive de coup de crasse. On prend le mic et on t'inflige le coup de crasse. Yo, discret comme un coup de feu, froid comme un coup de chlasse. Cramé à 10 000 quand on déboule dans la place. Et puis à la steak et à l'esquive de coup de crasse. BYFLX, on t'inflige le coup de crasse. J'suis chaud comme un après-midi à Marrakech. Tu sais quoi, je l'allume pas, je la crame la mèche. C'est la dèche dans ma poche comme en Afrique centrale. En France la vie est trop rêche, pourtant on est toujours râle. Casquette nouera sur la tête, stylo à la main. C'est d'une vie brisée par les aléas dont je reviens. Sur mes yeux tu peux lire des années de souffrance. Mes larmes de naissance, je kiffe trop trop quand c'est intense. T'as l'air en transe quand la bouteille n'est pas là. Quand je déboule tu me renifles comme du népalais. T'as rien dans ton assiette, tu penses déjà au diacet. Toi-même tu sais j'aime pas les autographes, c'est plutôt la recette. On essaie de rester droit dans la vie. Sur un bout de papier, ma vie je retranscris. Comme le somnambule qui croit dormir, mes rêves debout. Une meuf clean pour cacher un film de boule. Discret comme un coup de feu, froid comme un coup de chlasse. Cramé à 10 000 quand on déboule dans la place. Et puis à la steak et à l'esquive de coup de crasse. On prend le mic et on t'inflige le coup de crasse. Yo, discret comme un coup de feu, froid comme un coup de chlasse. Cramé à 10 000 quand on déboule dans la place. Et puis à la steak et à l'esquive de coup de crasse. BYFLX, on t'inflige le coup de crasse. Discret comme un coup de feu, j'déboule sur le beat. Cramé à 10 000, SENL, c'est là où j'habite. J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas la famille. Le Tchèque, c'est Sainte-Beuze, l'Irlande, la terre de mes racines. Irish Duck, j'porte mes couilles comme un drapeau. Me teste pas, j'ai un V12 sous le capot. Donc on avance et nique sa mère le coup près. J'garde mes amis près de moi, mes ennemis encore plus près. Yo, et ouais, j'suis white et ça fait doom doom check. J'suis l'inverse d'un bounty, appelle-moi Doudou Galak. Coucou Kalash, lyrical pour les grosses merdes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie à part ouvrir tes fesses? J'ai pas de 9 mm, seulement ma paire de baloches. Et les petites fiottes dans ton genre mériteraient une taloche. Et ouais, c'est moche, t'as la haine dans les yeux. Moi, je te dis, ferme ta gueule si tu peux pas faire mieux. Discret comme un coup de feu, froid comme un coup de chlasse. Cramé à 10 000 quand on déboule dans la place. Et puis à la steak et à l'esquive de coup de crasse. On prend le mic et on t'inflige le coup de crasse. Yo, discret comme un coup de feu, froid comme un coup de chlasse. Cramé à 10 000 quand on déboule dans la place. Et puis à la steak et à l'esquive de coup de crasse. BYFLX, on t'inflige le coup de crasse.